Pourquoi tu traites de bourgeois les gens moins riches que toi? Est-ce que tu voudrais cacher le secret de l'oisiveté? Ferme ta gueule, s'il te plaît, n'essaie pas d'imiter le loupin de prolétariat. Entre dans ta banlieue propre. Tu t'es bien un camouflé pour essayer de ressembler à tous ceux que tu es dans le plus grand des secrets. Ferme ta gueule, s'il te plaît, n'essaie pas d'imiter le loupin de l'intérieur. Entre dans ta banlieue propre. Tu fais la manche dans la rue sans avoir besoin de rien. Et tu traites de bourgeois les gens qui ne donnent rien. Ferme ta gueule.